Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Alors aujourd'hui, les flop cruise du pire film. La partie 1. Flop cruise. Alors Paulin, les pires films. Oui, les pires alors, films, dans quel sens? Comment, dans quel sens? Dans quel sens? 3, 2, 1? Non, je sais pas. Dans quel sens les pires films? Bah, les films que t'as pas aimé. Ouais, c'est très personnel, mais c'est vraiment les films. Non, quoi. Non. Ok. C'est non. Il y a quelques mentions. Oui. Hein, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas passés loin du truc. Mais globalement, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Valkyrie, pour ça, dans le même sac, ça dégage. C'était naze. Je me suis fait chier. J'en veux plus. Ça va aller très vite. Hein. Troisième. Non, allez, numéro 3. Attention, là, on va aller de pire en pire. Ouais. Je vous préviens. Intéressant. Donc, numéro 3, Losing It, parce que c'est naze. C'est vraiment. Et c'est pas bien ce que ça raconte. Il y a des trucs, deux, trois trucs rigolos. Mais est-ce que ça mérite autant de racisme et non, je crois pas. Non. Donc ça c'est pareil, c'est pas bien. C'est pas un beau film, c'est pas les trois Black IA qui vont le sauver. Mmh. Voilà. Donc ça très clairement. Numéro 2, donc on est encore un peu pire. Je sais pas si ça se dit, c'est pas très français ce que je vais faire. La momie. D'Alex Kurtzman. Oups, j'ai un peu créé. Ouais, la momie. Et alors là, pourquoi c'est parce que il y a même rien qui marche en fait, clairement dans ce film. Et il est même pas kitsch. Il a même pas ce côté nanar en fait. Il est juste pas bon. Il y a rien qui marche et il est même pas touchant. Il y a pas de. Tu te dis pas, oh, il est un petit peu désuet, donc il est pas bon du tout, quoi. Et alors qu'en plus, tu peux avoir des attentes sur ce film parce que c'est les monstres universels, tout ça. La momie, ça peut être. Ouais. Ça pourrait être bien et en fait, c'est pas bien. Et en plus, c'est même pas décalé, c'est même pas second degré. Donc, non, c'est juste pas bien. Oui, pas un bon moment, pas bien. Et numéro 1, donc pour moi, le pire film de la carrière de Tom Cruise, c'est Cocktail. Parce que Cocktail, c'est vraiment la lie de l'humanité. C'est une catastrophe. Ça raconte. C'est pas beau. C'est pas bien joué. Ça raconte des trucs pas jolis. Ouais. Tu vois. Et le seul truc bien, tu vois, je dis, y a quand même forcément un truc bien. Bon, il y a les Beach Boys à un moment. Enfin, tu vois. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Donc, voilà, clairement, pour moi, le pire film que j'ai vu, c'est Cocktail. Ok, intéressant. Bon, bah, à demain pour la partie 2. Oui, merci Paula.